Ok. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, le cheikh. Assalamu alaikum. Wa salam wa barakatuh. Le cheikh s'appelle Salih Al-Fawzan. On a commencé son livre à l'Irshad. Il a sahih al-Irshad. Et on a commencé juste l'introduction, mais presque on n'a pas encore entré dans le cœur, dans le vif du sujet. Mais, Inch'Allah, on va essayer de commencer le sujet, le livre aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore entré vraiment dans le livre. Donc je vais aller un peu plus rapidement, juste pour passer plus vite sur l'introduction, puis après on va commencer à rentrer réellement dans le livre, Inch'Allah. الشيخ الزي بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة إلى العقيدة الإسلامية يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا فلم يكونوا يبدأون بشيء قبلها كما قال الله تعالى عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. Donc le chef il commence et il dit il est obligatoire à tout musulman après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait fait la miséricorde de connaître cette aqida de se tenir fermement et d'appeler les autres êtres humains à y croire pour les faire sortir de l'obscurité et pour les amener à la lumière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sa meilleure sorte de tarot. Et donc celui qui a rejeté le tarot, on a expliqué la semaine dernière qu'est-ce que signifiait le tarot, et je me souviens maintenant de l'explication de Ibn Qayyim al-Jawziya. Il disait que le tarot, ou aussi le matajar, il a haddou, min makbouh, min من معبود أو مسبوع أو مطاع فذلك que الطاغوت c'est toute chose qui a transgressé sa limite parmi trois catégories de personnes ou trois catégories de choses, c'est-à-dire le premier, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah rentre dans la définition du tarot. Ça c'est al-ma'boud. Lil-ma'boudin ou matbou'in, c'est-à-dire tout ce qui est suivi et qui a transgressé sa limite. Et quand on dit tout ce qui est suivi, c'est-à-dire offrir la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ou muta', c'est-à-dire tout ce qui est obéi. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut inclure même dans cette définition-là les lois qui sont contraires à la loi de l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a rejeté le tarot et qui a cru en Allah, alors celui-là s'est accroché à la hanche la plus solide qui ne se casse pas jamais. Et Allah est celui qui entend et qui écoute. Et après Allah dit, et Allah est l'allié des croyants. Et Allah est le protecteur des croyants. il les fait sortir de la noirceur jusqu'à la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs amis sont les pawaris, le paro. Leurs alliés sont le paro. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font le paro? Eh bien, ils les font sortir de la lumière et les amènent à l'obscurité. Donc, ceux-là seront les gens de l'enfer où ils nous demeureront éternellement. Donc, toute personne qui a pris comme protecteur le paro, eh bien, qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va sortir de la lumière pour arriver à l'obscurité. Et il y a des gens qui ont demandé de quelle lumière il s'agit, étant donné qu'il a suivi le paro, dans quelle lumière pouvait-il être? Mais un ulama a dit que c'était la lumière de la fitra. C'est-à-dire quand on est né, on est tous nés musulmans. C'est comme ça que le prophète Rasulallah a dit, Tout enfant est né sur la fitra, et c'est l'islam. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'existence d'un Dieu unique, que c'est son créateur, et il sait instinctivement qu'il doit l'adorer. Hein? Donc ça, cette fitra, tous les hommes l'ont à la naissance. C'est les parents qui font changer ces enfants-là, et qui les font soit devenir chrétiens ou juifs, ou toute autre croyance qui est répandue dans la société. Donc, quand la personne est sur la lumière de la fitra, eh bien, quand il décide d'adorer le tarot, alors automatiquement, le tarot le fait sortir de la lumière et l'amène à l'obscurité. Après, le chef, il dit, والدعوة إلى العقيدة الإسلامية donc il dit l'appel des gens à la croyance islamique c'est l'ouverture de l'appel de tous les messagers d'Allah. C'est-à-dire que tous les messagers d'Allah qui sont venus à leur peuple, la première chose qu'ils ont fait, c'est de les appeler à adorer Allah uniquement et à laisser tomber toute forme d'idolâtrie et de d'adoration pour autre chose que Allah, comme par exemple l'adoration des idoles, l'adoration des images, l'adoration des anges, l'adoration des étoiles, l'adoration du soleil, l'adoration des animaux, l'adoration des esprits, ou l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah. Donc, on va en parler beaucoup plus après, Inch'Allah. Et il a donné le verset pour prouver ça, on a déjà mentionné, on a fait d'Atlantique. Nous avons suscité dans toute nation un messager qui dit à leur peuple, adorez Allah et éloignez-vous du parole. Et tous les messagers sont venus pour dire à leur peuple en premier, comme Allah le dit dans le verset, adorez Allah, vous n'avez aucune chose à adorer en dehors de lui. Et c'est ce que tous les messagers d'Allah ont dit, en partant de Noé, et tous les autres messagers comme Houd, Salih, Shaïd, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad et tous les autres messagers d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux tous. Alors le Cheikh dit après, فيجب على من عرف هذه العقيدة وعمل بها أن لا يقتصر على نفسه بل يدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Donc il a dit, lorsque la personne, le musulman, il a appris ça, ça ne suffit pas qu'il se limite à lui-même seulement. Il ne faut pas limiter cette connaissance-là à lui-même, de dire, je m'en fous des autres. Ou bien de dire, chacun a sa religion, et donc on ne doit pas parler aux autres de notre croyance. Chacun a leur croyance. Et on doit tous essayer de transmettre autour de nous cette aqida, cette croyance que Allah seul mérite d'être adoré. On doit le prêcher à tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient musulmans ou non. On doit leur expliquer et les convaincre, essayer de leur faire comprendre que seul Allah mérite d'être adoré. Et ça, c'est le plus important. Et c'est l'exemple des messages d'Allah. Après, le Cheikh dit « Wa inna da'wa illa hadhihi al-aqida huwa al-asas wal-munqala » فلا يدعى إلى شيء قبلها ومن فعل إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تكون هذه العقيدة وتتحقق لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يساد عليها ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه ولهذا كان الرسل يهتمون بهذا بها قبل كل شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالدعوة إلى تصحيح العقيدة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم. الشيخ الشيخ يزيد لدعوة أكد عقيدة الأباد et c'est de là que tout doit commencer. Et donc on n'a pas le droit d'appeler les gens à quoi que ce soit avant d'avoir établi cette base. Que ce soit par exemple de faire des obligations ou de laisser tomber des interdictions, jusqu'à ce qu'on ait établi et raffermi cette base dans une personne. Parce que, pour quelle raison? C'est logique parce qu'en fait, si on fait des actions sans avoir complété ou accepter cette base-là, eh bien, ces actions-là ne seront même pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base qui rend toutes nos actions acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans celle-là, nos actions ne seront ni acceptées, ni récompensées. Et le chef, il dit après, il est clair que toute construction qu'on veut faire, si on veut bâtir une maison, il faut avant tout commencer par la fondation. Si on n'a pas bien construit la fondation d'un immeuble ou d'une maison, eh bien, c'est évident que cet immeuble ou cette maison va jamais être capable de rester solide. N'importe quel vent, n'importe quel tremblement de terre ou quoi que ce soit va arriver et puis l'immeuble va s'écrouler. Donc, c'est la même chose pour cette croyance islamique. Si elle n'est pas fondée solidement sur le tawhid et sur cette croyance, eh bien, automatiquement, n'importe quelle idée, n'importe quelle chose va arriver et puis va détruire complètement les croyants, la croyance de cette personne si elle n'a pas bien compris ou appris cette religion à partir de sa base. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des gens pour appeler les peuples à l'islam, il les envoyait toujours en leur disant en premier de se concentrer sur toujours sur ce point-là qui est la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit à Mu'adh, ya Mu'adh, je t'envoie à un peuple des gens du livre. Donc, que la première chose que tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah. Hein, que la première chose que tu nous appelles soit le témoignage de la ilaha illallah. Et dans une autre narration de ce hadith, le prophète sallam a dit que la première chose que tu fasses soit de nous appeler à l'unification d'Allah, à yuwahidullah. Donc, on voit dans ce hadith-là quelque chose de très important. On va continuer avec le hadith et après on va l'expliquer. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il accepte ce point, alors ensuite, apprends-leur qu'il y a 5 prières quotidiennes à faire. Et s'ils te suivent dans ça, alors apprends-leur qu'ils doivent payer la zakat, qu'ils doivent prendre, que les riches d'entre eux doivent donner de l'argent aux pauvres d'entre eux. Et s'ils obéissent dans ça, alors fais attention de ne pas toucher au meilleur de leurs biens. Et fais aussi attention et prends garde à l'invocation de l'opprimé. Parce que il n'y a pas de barrière entre l'invocation de l'opprimé et Allah. C'est-à-dire, la personne qui est opprimée, Allah répond à son invocation, même s'il n'est pas musulman, et même si la personne qui invoque contre un musulman. Et là, on peut le voir dans ce hadith. C'est pour ça qu'il a dit à Mu'adh, fais attention à l'invocation de l'opprimé. Si tu vas aller chez ces gens-là, ne fais pas d'injustice. Sinon, s'ils font une invocation contre toi, eh bien, il n'y a pas de barrière entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, dans ce hadith, premièrement, on peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal aux gens du Yémen qui étaient des juifs. Ou peut-être aussi il y avait des chrétiens parmi eux. Et donc, ils allaient pour les appeler à l'islam. Et ça, ça nous montre qu'on est obligé d'appeler les gens du livre à l'islam. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les musulmans qui croient que si tu es juif ou chrétien, tu as le droit de croire à cette religion-là, elle est acceptable autant que l'islam. Parce qu'il y a cette idée actuellement qui est propagée dans tout le monde entier, propagée dans les pays musulmans, mais même ici en Amérique, qu'il y a trois grandes religions et que c'est les trois religions monothéistes et que c'est les trois religions qui sont acceptées de Dieu. Alors que ça, c'est tout à fait faux, parce que en fait, tous les messagers d'Allah sont tous venus avec le même message et la même base. C'est-à-dire, la ilaha illallah. Et donc, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Yaakov, que ce soit Isa, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec le même message fondamental qui est la ilaha illallah, et ça c'est le message de l'islam. Donc, il n'y a pas trois religions, il n'y a pas quatre religions, il y a une seule religion, c'est l'islam. Hein? Donc, si on comprend ça, on voit maintenant pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les gens aux gens du livre. Il a envoyé Mu'adh aux gens du livre, parce que s'ils étaient corrects et si leur religion était déjà acceptée d'Allah, le prophète n'aurait pas été obligé d'envoyer Mu'adh pour les appeler à l'islam. Il les aurait envoyés seulement à d'autres peuples qui ne sont pas juifs ou chrétiens. Mais étant donné qu'il les a envoyés aux juifs et aux chrétiens aussi, ça veut dire qu'eux aussi ne sont pas sur le droit chemin et qu'ils doivent accepter l'islam pour être, Inch'Allah, accepté au paradis. Donc, ça c'est un point. Et deuxième point, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de les appeler au tawhid. Pourquoi? Parce qu'on voit que les juifs et les chrétiens, dans leur compréhension de la ilaha illallah, dans leur compréhension de Dieu, qu'ils ont dans leur religion, il y a beaucoup d'erreurs qui se sont introduites à travers le temps. C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés des enseignements de leurs prophètes avec les siècles qui sont passés. Ils ont oublié le message des prophètes, ils ont commencé à rajouter des choses, ils ont commencé à changer le message, ils ont commencé à introduire des formes d'idolâtrie qui n'existaient pas dans le message de leurs prophètes. Et à cause de ça, avec le temps, ils ont dévié. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour leur dire, la première chose que vous devez leur expliquer, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Si on regarde juste l'exemple des chrétiens, ils croient qu'il y a une trinité, c'est-à-dire que Dieu est divisé ou est représenté par trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils croient que ces trois personnes forment une seule. Donc pour eux, Dieu n'est pas un seul Dieu unique, mais trois en un. Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a répété dans le Coran lorsqu'il a dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ils ont mécru, ils ont rejeté la foi ceux qui ont dit que Dieu est le troisième du trois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement refuté ça dans surat Al-La'ida, que Allah subhanahu wa ta'ala avait été une trinité. Donc celui qui croit que Allah est une trinité, c'est clair qu'il n'est pas croyant, même s'il prétend croire en Dieu. Mais sa foi en Dieu n'est pas une foi qui correspond à l'enseignement des messagers. Donc c'est une foi qui est fausse. Et ça, c'est la croyance de tous les chrétiens. Tous les sectes chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, baptistes, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, peu importe quelle secte ils font partie, ils ont tous ce fondement-là. Donc, ils sont tous en partant en dehors du chemin. Ils ont tous dévié de l'enseignement de Isa, alayhi salam. Donc, ils sont tous dans le texte, dans la mécréance et dans l'idolâtrie. Et ensuite de ça, une autre chose, c'est qu'il croit que Isa ibn Maryam est le fils d'Allah. Et ça aussi, c'est une autre croyance qui les fait partir complètement de l'enseignement du prophète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas d'enfant. Il est le seul, il est seul et unique, il n'a pas aucune progéniture, il ne fait pas des enfants. Et si vous demandez à n'importe quel chrétien, quand vous dites que Jésus est le fils de Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pensez que Dieu a eu des rapports avec une femme humaine sur la terre et qu'il a fait avec elle un enfant et que cet enfant-là c'était Jésus? Ils vont tous dire non, c'est pas ça qu'on veut dire. Ils veulent dire pas plutôt que Dieu, il a choisi Jésus comme étant son fils. Et donc, si tu leur dis ça, tu dis donc dans ce cas-là, vous ne devez pas l'appeler fils. Parce que s'il est une créature de Dieu, comment il pourrait être fils? Il est une créature de Dieu et on est tous créés par Dieu. La seule différence entre nous et Jésus, c'est que Jésus, lui, il n'avait pas de père. Et nous, on a un père. Et s'ils disent, ça c'est une preuve que Jésus est divin, alors on peut leur donner l'exemple d'Adam, alayhi salam. Si Adam avait ni père ni mère, il est plus proche, il est plus près de la divinité alors que Jésus. Et donc, ça viendrait réfuter même leur propre idée de croyance que Jésus est le fils de Dieu. Mais, encore là, ils n'ont pas de façon de trouver quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et ça, on va en parler plus, Inch'Allah, plus tard. C'est juste pour vous faire saisir ce point-là que vous savez déjà sur moi. Donc, et en plus, après, il a dit, lorsqu'ils ont cru à ça, et lorsqu'ils ont accepté ça, ensuite de ça, vous leur dites, vous devez prier 5 fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est pas logique qu'on arrive aux gens et qu'on leur dise, vous devez faire la prière 5 fois par jour, alors qu'ils n'ont pas encore accepté la croyance en l'unicité d'Allah. S'ils faisaient ça de cette façon, alors c'est certain qu'ils prieraient pour nous, parce que leur prière ne sera même pas acceptée. Ensuite, le chef dit, فمن هذا الحديث الشريف ومن استقرا دعوة الرسل في القرآن ومن استقرا سيرة الرسل يأخذ منهج الدعوة إلى الله وإن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما هو معنى لا إله إلا الله وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وهذا يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تتمنى تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور وفي بعض ديار الإسلام ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه ولا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصور المنحرف ولا ينهونه ولا ينهونه ولا ينبهونه ومع أن البداءة بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم لأن الملاحدة والكفار المصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل أن أولئك القبوريون والمتطوفة المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام فيغترون ويغرون غيرهم والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين فما لم تصف صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم لشيخ الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca pendant 13 ans. Il a appris les gens à corriger leur aqidah et à adorer Allah seul et à laisser tomber l'adoration des idoles avant de leur apprendre la prière et de leur apprendre la zakat et de leur apprendre le jeûne et de leur apprendre le jihad, le hajj et de leur interdire le riba, l'adultère, l'alcool et les jeux de hasard. Il a commencé par ce point. Et tout ça, ça nous montre clairement l'erreur de certains groupes aujourd'hui qui prétendent appartenir aux da'wah et qui ne s'intéressent pas à la croyance islamique et qui ne donnent pas grande importance à cette question. Ils considèrent ça comme étant une chose que tout le monde déjà connu, donc on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Et ils se concentrent sur d'autres choses qui sont secondaires ou qui sont moins fondamentales, qui sont les choses du comportement ou du caractère. Alors qu'ils sont en train de voir eux-mêmes que beaucoup de musulmans pratiquent des formes de shirk majeures, comme par exemple autour des tombeaux qui sont des monuments qui sont construits sur les tombes. Il y a ça dans les pays musulmans, peut-être certains d'entre vous, vous avez vu ça. Ouais. C'est un exemple que le frère a cité, il a dit que c'était au Sénégal et au Maroc, mais en réalité, ça existe dans presque tous les pays musulmans. Presque tous les pays musulmans. Je pense actuellement le seul pays où ça existe, c'est en Arabie Saoudite, après le da'wah de Mohammed Abdul Wahhab, qui a enrayé toutes ces formes de bid'a et de shirk dans la péninsule arabe. Parce qu'il y en avait en Arabie Saoudite aussi des endroits pareils où les gens allaient pour invoquer les awliya et les saints et demander leur bienfait, etc. Ils avaient tous des gros monuments construits par-dessus leur tombeau, et puis tout ça a été rasé au sol selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un mouvement qui a été revivifié. À cette époque-là, autant que Mohammed Abdul Wahhab, mais il a toujours existé parmi la Oumma à différents endroits, à différentes époques, et puis il continue encore aujourd'hui parmi les savants de l'islam et les tolab al-ilm, les gens qui cherchent la science et qui appellent les gens au tawhid, encore aujourd'hui dans tous les pays musulmans, et pas seulement en Arabie Saoudite. Et donc, on voit que, justement, comme le chef a dit, des gens on témoigne que les musulmans sont en train de faire des actes de shirk de ce genre, et puis les gens de ces groupes musulmans qui font le da'wah ils sont en train de voir les musulmans faire des choses comme ça, et puis il y a personne qui dit, ça que vous faites c'est shirk, ça c'est haram, ce que vous faites si vous ne devez pas le faire, ils prennent ça comme quelque chose de pas très important. Tant que, pour eux, tant que les gens se disent musulmans, peu importe ce qu'ils font, c'est pas grave. Parce que beaucoup de ces groupes musulmans, qu'est-ce qui compte pour eux, c'est la quantité de membres qu'ils ont. Si leur nombre est grand, alors pour eux, c'est quelque chose de bon et ils se réjouissent de ça. Mais ils ne regardent pas non plus, ils ne regardent pas la qualité, ou c'est-à-dire la, le fondement de ces membres. Les gens qui suivent ces groupes, est-ce que ce sont des gens qui ont mis leur concentration à comprendre leur aqida, à comprendre la croyance islamique et à la respecter et à la suivre et à bien la pratiquer et à appeler les autres à la suivre, ou bien c'est juste une question de est-ce qu'on a plus de membres que l'autre groupe, est-ce qu'on est plus important que l'autre groupe, est-ce qu'on a plus d'influence politique ou économique que l'autre groupe, tout ça c'est des choses. Le secondaire, le musulman sincère, il ne doit jamais regarder à ces choses-là. Ce n'est pas le nombre de fidèles ou le nombre de membres qui fait que le groupe est meilleur que l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la sincérité. C'est la correcte, que les gens les musulmans qui se regroupent ensemble pour travailler pour l'islam, ont une bonne compréhension de l'islam et ils veulent aussi travailler pour justement implanter cette croyance islamique comme il faut dans le cœur des musulmans. C'est pas juste de dire qu'on est tous réunis ensemble et puis on fait des activités et puis juste pour dire qu'on est là ensemble physiquement, mais nos cœurs, dans nos cœurs, on a tous une compréhension différente de l'islam et puis on pense qu'on est en train de bâtir quelque chose dans la réalité. Notre fondation est tellement faible que n'importe quoi qui arrive, on va tous se séparer, tous se diviser. Alors, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que les chefs critiquent cette attitude de certains gens qui se concentrent sur les choses extérieures sans essayer de voir la base. Et ils mentionnent, ils disent même que parmi ces groupes-là, il y a même des membres qui pratiquent ou qui appliquent ces exemples de chefs. Et les autres membres ne vont même pas leur dire qu'est-ce que vous faites, c'est pas bien, vous ne devez pas le faire. Alors, par exemple, il dit, il y a parmi ces membres des gens qui font du shirk, il y a des gens qui font partie des soufis, qui sont déviés, et ils ne les interdisent pas, ils ne leur mentionnent même pas rien à propos de ce sujet-là. Et donc, la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est de commencer par corriger les erreurs de ces adeptes, de ces groupes-là, de leurs confrères, ceux qui sont avec eux. Hein. En réalité, il n'y a pas de groupe dans l'islam. On est tous supposés être des frères dans l'islam. Peu importe le groupe, on est tous musulmans. On ne doit pas se diviser selon les groupes. Les musulmans, on fait tous partie d'une umma. Et cette umma, c'est la umma de l'islam. Hein. Donc, si des musulmans se regroupent ensemble pour faire un travail islamique, ben, ils doivent toujours se souvenir que la source, la base, c'est que c'est l'islam, c'est pas le groupe lui-même, c'est pas l'organisation, c'est de retourner toujours au Coran et à la Sunna. Parce qu'actuellement, on sait ce qui se passe dans la question du groupe. Et donc, le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on doit se concentrer à corriger les erreurs des croyances des musulmans, plus encore que de se concentrer sur les athées et les non-musulmans qui sont nés en dehors de l'islam. Pourquoi? Parce que eux, c'est des gens qui se disent déjà musulmans et ils ont des croyances contraires à l'islam. Alors c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave que des gens qui ne sont pas musulmans. Hein. Donc on doit se concentrer plus à appeler les musulmans déviés à revenir à l'islam que de se concentrer sur les non-musulmans. Et donc, après, qu'est-ce qu'il dit? Le chef, il dit que Allah nous a ordonné de commencer à combattre les coupards qui sont plus près de nous, plutôt que de commencer par ceux qui sont plus éloignés de nous. Et donc, c'est pour ça que si on veut vraiment réunir nos races, renforcer nos races, on doit commencer par l'ennemi qui est à l'intérieur, et non pas l'ennemi extérieur. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de musulmans qui vont négliger ça. Si à l'intérieur de toi-même, tu as un cancer, et que tu veux essayer de guérir les autres à l'extérieur, tu dois commencer par celui qui est en toi, la maladie qui est en toi, à la guérir, et ensuite, tu vas avoir la force pour combattre ce qui est dehors. Donc si toi-même, à l'intérieur de toi, il y a des maladies, il y a des problèmes, et bien ce qui arrive, les corps de l'islam à l'intérieur, il y a des hypocrites, il y a des gens qui font des bid'ahs, il y a des gens qui ont des mauvaises compréhensions de l'islam. Et à cause de ça, ça a affaibli les musulmans. Donc le cheikh ensuite il dit, وَلُحْكَ أَنَّ قُبُورِيًا رَأَ رَجُلًا يَعْبُدُ صَنَمًا أَمَامَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْقُبُورِ فقال له عابد الصنم أنت تعبد مخلوقا غائبا عنك وأنا أعبد مخلوقا ماثلا أمامي أينا أعجب فالختم القبور نفل شيخ في هنا on raconte que une personne qui adore les tombeaux. Une personne qui adore les tombeaux, les saints qui sont enterrés dans les tombes, a vu un idolâtre prier une statue devant lui. Alors la personne qui adore les tombes a dit, qu'est-ce que tu fais là, c'est une idole, tu ne dois pas adorer les idoles, ça n'a pas de pouvoir, etc. Alors la personne qui adore l'idole a dit, qui est mieux placé, qui est pire entre nous? Toi, tu adores quelque chose, tu adores un être humain qui n'est même pas là, qui est mort, hein, qui est absent. Alors que moi, j'adore quelque chose qui est là présent devant moi. Alors, qui est-ce qui d'entre nous deux est plus égaré? Alors là, le chef il dit, celui qui adore l'idole, ça ne veut plus quoi dire, ça ne veut plus quoi répondre. En fait, c'est une façon de voir comment celui qui fait le shirk, il n'est pas capable de combattre. Après, ce qu'il dit, le shirk, il dit, « هذا وإن كان كل منهما مشركا ضالا لأنه يعبد ما لا يملك ضرا ولا نفعا إلا أن القبور أغرق في الضلال وأبلغ في طلب المحال. » Il dit, même si les deux étaient des mushrikins, ou des sont des mushriks, et que les deux adorent, qu'est-ce qui ne possède aucun pouvoir de te faire un bien ou de te nuire, n'importe quoi. Mais c'est évident que la personne qui adore le tombe est encore plus égarée que l'autre. Et le chef il dit, فيجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها ويقبلوا على دراستها وتفهمها ثم يعلموها لغيرهم ويدعو إليها من انحرف عنها. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير. Donc le chef il explique en fait qu'il dit « قال الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الأركان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني أنا ومن اتبعني أي إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى نعم يدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي يقول له تعالى تعالى ذكره قل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه ومعبود سواه في سلطانه وأنا وما أنا من المشركين يقول أنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولهم مني انتهى كلام ابن جرير يقول donc le cheikh il explique le tafsir d'Ibn Jarir à propos de ce verset. Il dit Allah SWT dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad cette da'wa que je fais qui appelle les gens, voici cet appel que je fais, ça c'est ma voix, c'est la voix que je suis, c'est-à-dire que j'appelle les gens à l'unicité d'Allah SWT, la purification de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah SWT, et à l'obéissance d'Allah et à l'abandon de la désobéissance. Okay? J'appelle les gens à laisser tomber leurs péchés. Et ça, c'est ma voix, c'est ma façon, c'est mon appel. Alhamdulillah. Adorer Allah, j'appelle Allah à adorer Allah lui seul. Il n'a aucun associé. Et je l'appelle avec conviction et savoir. Ana wa man taba'ani, c'est-à-dire tous ceux et tous ceux qui sont avec moi, ils appellent eux aussi à Allah avec connaissance et conviction. Tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui m'ont suivi appellent eux aussi à Allah avec croyance et conviction. Et wa subhanallah, ça veut dire et on purifie Allah de tout ce qui peut être associé à lui dans son royaume, de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et après, il dit « Wa ma ana min al-mushrikin », c'est-à-dire je me désavoue des gens qui font le shirk. Je ne fais pas partie d'eux et eux, ils ne font pas partie de moi. Donc, en général, pour tout ce qu'il a dit le chef. Et là, on va pouvoir commencer, Inch'Allah, sérieusement, à rentrer dans le cœur du sujet. Elijah. Donc, le chef écrit sa vie. C'est comme une préface, mais étant donné que dans cette préface, c'est pour qu'est-ce qui est l'introduction de la croyance islamique. C'est quoi la croyance islamique? La croyance islamique, on peut la comprendre par qu'est-ce que le hadith nous a mentionné, c'est-à-dire les piliers de la foi islamique, arkan al-iman, c'est-à-dire les six piliers de la foi. Qui est-ce qui connaît ici les six piliers de la foi? Ok, qui d'autre? Ok, c'est quoi le premier? Le premier c'est le Ramadan. Ok, le deuxième? Le sourire. Le troisième? Le saison. Le saison. Le quatrième? Le grand prophète. On l'a dit déjà? C'est libre. On l'a dit déjà? Il y a l'akhir. La fois, on l'a dit là. C'est combien? Les points les destinés, ça fait 6. On a tout dit? Ok, donc c'est ça. L'Iman d'Allah, le Malaïkatini, le Kutubini, le Rusulini, le Lyon al-Akhir, le Al-Qalam, le Khayrini, le Shari. Donc ça fait 6. Donc c'est de ça qu'on va parler. Donc, le Cheikh il dit: I'alam ayyuha al-Muslim, waffaqani Allah wa iyyak. أما أصول العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه الأصول دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة، قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le chef l'a mentionné des versets et un hadith aussi qui montre et qui prouve que la foi dans l'islam c'est de croire en ces six piliers de la foi. Le premier verset qu'il a mentionné c'est le verset qui est dans Sourate Al-Baqara, le verset 177. C'est un verset dans lequel Allah SWT dit que ce signifie la bonté ne consiste pas à diriger vos visages vers l'Est ou l'Ouest, mais la bonté consiste à croire en Allah SWT et à croire au jugement dernier, et à ses anges, à son lit et à ses messagers. Et dans un autre verset, le deuxième qu'il a mentionné pour trouver la foi en la prédestination, c'est le verset qui est dans Sourate Al-Qamar, dans le verset numéro 49. إِلَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. On a toute chose que nous avons créée, nous l'avons créée avec une détermination. Et le chef ensuite il cite un autre verset pour prouver qu'on doit croire en ces choses-là. Dans Surat Al-Baqara, encore une fois, le verset 285, qui dit le messager a cru en ce qu'Allah lui a révélé en ce qui lui est révélé de son Seigneur, et ainsi que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et ils ne font aucune différence, une distinction entre aucun des messagers. Et il y a un autre verset qu'il a mentionné, c'est le verset dans Surat Al-Nisa, le verset 136 qui dit « Celui qui a mécru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour du jugement dernier, alors il s'est égaré, d'un grand égarement ou d'un lointain égarement. » Et dans le hadith sahih rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi c'est de croire en Allah et en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et de croire en la prédestination, en ce qu'il y a de bien dedans et en ce qu'il y a de mal dedans. وهذه الأصول العظيمة تسمى أركان الإسلام وقد اتفقت عليها الرسل والشرائع ونزلت بها الكتب السماوية ولم يجحدها أو شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc il dit, le cheikh a dit que c'est, voici les cinq grands piliers de la foi, qu'on appelle les piliers de la foi, et tous les messagers se sont tous entendus sur ça. et tous les livres ont été révélés avec ces principes. Et aucun et personne ne les a rejetés, ne les a niés, sans qu'il ait sorti du cercle de la foi et qu'il soit devenu un mécréant, un kafir. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, et le Cheikh il a mentionné ces versets-là comme une preuve pour ça, et c'est une ayah dans Surat al-Nisa, le verset 150 jusqu'à 152, dans lequel Allah dit ce qui signifie ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers et qui veulent distinguer et faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons, nous le refusons de croire en certains d'entre eux et ils veulent prendre une voie entre les deux, c'est-à-dire une voie intermédiaire entre la foi en certains prophètes et le rejet de certains prophètes. Là, ils sont les kafirouna haqqa. Voilà les vrais mécréants. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا nous avons préparé pour les mécréants les gens qui rejettent la foi un châtiment humiliant والذين آمنوا بالله ورسوله et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui n'ont pas fait aucune distinction entre aucun d'entre eux voilà ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala donnera leur récompense et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. وهذه الأصول العظيمة والأركان القويمة تحتاج إلى شرح وبيان وهو ما سنحاول إن شاء الله تقديم ما نستطيع منه في هذا الكتاب. Donc le Cheikh il dit, et voici ce que nous allons essayer, Inch'Allah, d'expliquer dans ce livre. Et là, on commence, c'est maintenant que le livre commence vraiment, Inch'Allah. Ça a pris du temps, mais on est arrivé quand même, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, Al-Asul Awwal, le premier fondement, c'est Al-Iman Billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ أَتَاثُ الْعَقِيدَةِ وَأَصْلُهَا وهو يعني الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله وأنه هو الذي يستحق العبادة به لا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعود الجلال منزه عن كل نقص وعيب وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات صوت للشيخ الثاني من تابلسون جنرال الدين La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de la foi en Allah, c'est la base de la croyance islamique. Et qu'est-ce que ça signifie de croire en Allah? Il explique de façon très, très concise et précise. Mais après, dans ce qui vient, il va aller dans les détails pour expliquer chacun de ces principes-là. Il explique les trois points ou les trois fondements du tawhid. Moi, j'aime beaucoup me référer à ces trois principes du tawhid comme étant en fait trois conditions à respecter pour vraiment unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les trois conditions, et si on ne les a pas respectées, on ne peut pas dire qu'on a unifié Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Donc, le chef, il explique que ce sont les trois piliers du tawhid qui sont, le premier c'est tawhid al-rububiyya, c'est le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième c'est le tawhid al-uluhiyya ou le tawhid de l'adoration. Et le troisième c'est tawhid al-asma'i wa-sifat, et en français c'est le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Ça c'est une division du tawhid qui a été faite par les savants de l'islam en se basant sur la lecture du Coran et des hadiths. en lisant le Coran et les hadiths, on peut extraire de ça ces trois principes, ou ces trois façons de diviser le tawhid en trois façons, en trois catégories. Mais il y en a d'autres qui ont divisé le tawhid en deux parties. Une partie, si on veut, théorique, et une partie pratique. Au lieu de dire tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-rububiyya en deux catégories, ils les ont mis les deux ensemble pour faire une seule catégorie, et ils ont mis tawhid al-ibada tout seul comme étant la deuxième catégorie. Donc, ça devient le tawhid théorique et le tawhid appliqué. Tawhid al-ibada, c'est le tawhid de l'application, et tawhid al-asma al-sifat wal-ibada wal-rububiyya, ça c'est le tawhid théorique. Hein? Donc, ça c'est une autre façon de diviser le tawhid en deux catégories, plutôt que en trois. Mais ça revient au même, les deux, ça revient à la même chose, puisque ça, on se concentre de toute façon sur les mêmes choses. Et donc, on va commencer avec la première qui est tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, أما توحيد الربوبية فإنه الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم وهو المدبر المحيي المميت وهو الرزاق ذو القوة المتين. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون الله. وهذا في القرآن الكثير، وهذا في القرآن كثير يذكر الله عن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. Donc le chef il commence et il explique que la foi en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on doit reconnaître, on doit croire fermement que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui a créé le monde, et que c'est lui seul qui organise l'univers et qui le contrôle et qui fait fonctionner tout ce qui se passe dedans, et que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est celui qui donne à chaque être ou à chaque créature sa subsistance, et c'est lui le tout puissant et qui a la force infini. Donc, ça, c'est ça l'essence du tawhid al-rububiyya, ou le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le cheikh après que cette catégorie du tawhid, elle est en fait inscrite dans la fitra de chaque être humain. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les êtres humains, au fond d'eux-mêmes, au fond de leur âme, de leur nature, depuis qu'ils naissent, ils savent au fond d'eux que Allah subhanahu wa ta'ala existe et que c'est lui qui contrôle toutes choses. Hein? Même les idolâtres, les gens qui adorent des statues et des images, des idoles, ils savent au fond d'eux-mêmes que ce n'est pas ces idoles-là qu'ils adorent ou ces statues ou ces images qui contrôlent le monde, qui contrôlent ce qui se passe dans l'univers. Ils savent que c'est eux-mêmes qui ont construit ou qui ont fabriqué ces statues et ces idoles-là. Donc, au fond d'eux-mêmes, quand tu vois par exemple un hindou qui se prosterne ou qui prie devant une statue de Shiva, ou quand tu vois un chrétien qui s'agenouille et qui prie devant une croix avec un homme crucifié dessus, ou quand tu vois un autre chrétien qui se prosterne devant la statue de la Vierge Marie, comme il l'appelle, ou devant un des saints de l'Église catholique, que ce soit Saint Joseph ou Saint Christophe ou je ne sais pas quel autre saint. Ou quand tu vois un musulman, quelqu'un qui se dit musulman et qui prie devant la tombe de, je sais pas, Abdul Qadir al-Jilani ou Ahmed al-Tijani ou un autre, je ne sais pas qui, parmi les saints que les gens adorent parmi les soi-disant musulmans, ils sont tous convaincus que ce n'est pas ces choses-là qui ont créé le monde, le ciel, la terre, la lune, l'univers. Et même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les idolâtres à la Mecque, ils savaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui avait tout créé le monde et qui s'occupait de tout ce qui se passe dans le monde. Ils le savaient ça déjà. Et c'était pas ça qui était le problème avec eux. C'est pour ça que le chef ici, il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala montre les réponses des mouchriquins aux questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posées. Lorsque Allah dit dans le Coran, et si tu leur demandes qui les a créés, ils répondront, les mouchriquins de la Mecque, les idolâtres de la Mecque, si tu leur demandes qui les a créés, ils répondront Allah. Ça c'est dans Surat Az-Zukhruf, le verset 87. Et dans un autre verset encore dans la Surat Az-Zukhruf, le verset numéro 9. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Et si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire celui qui nous a créé, c'est Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Alim, celui qui fait tout. Donc ils savent que Allah existe et ils savent que parmi les attributs de ce Dieu, de Allah, il y a Al-Aziz Al-Alim. Hein? Donc ils reconnaissent Allah, ils reconnaissent même ses attributs de toute puissance et d'omniscience à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est dans Surat al-Mu'minun, le verset 86, Allah il dit, « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ » L'ayat, c'est l'ayat 86 dans Surat al-Mu'minun. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله donc il dit demandez-leur à ces qui est le Seigneur des sept cieux et qui est le Seigneur du grand trône, ils diront Allah. Et il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran qui nous montrent que les mouchriquins avaient reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, celui qui a la souveraineté sur tout l'univers. Après le chef dit, وَلَمْ يُنْكِرُ تَوْحِيدَهُ رُبِيَّةِ وَيَجْعَدُ الرَّبِ إِلَّا شَوَابٌ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ الْبَشَرِيَّةِ تَظَاهَرُوا بِإِنْكَارُ الرَّبِ مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما ذكر الله عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري وقد خطبه موسى عليه السلام بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Donc le chef il dit la plupart des êtres humains ont reconnu l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont reconnu la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf un petit groupe parmi les êtres humains qui ont rejeté ou refusé d'accepter la croyance en Allah, le Seigneur de l'univers. Mais en réalité, même ceux qui ont renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur bouche, au fond de leur cœur, ils reconnaissent que Dieu existe. Si vous voyez des gens aujourd'hui dans la rue ou peu importe ailleurs, qui disent qu'ils ne croient pas à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est des gens qui refusent d'admettre son existence par arrogance et par orgueil. C'est pas parce qu'au fond de leur cœur, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et moi, j'ai souvent eu des discussions avec des athées, et même parmi mes professeurs. J'avais un professeur de biologie qui était totalement athée. Et il m'a dit qu'une fois, il est allé escalader une montagne dans les, je crois que c'était, pas Manitoba, dans l'ouest du Canada. Non, Colombie-Britannique. Il y a des montagnes là-bas. Il a dit, il a escaladé les montagnes, il a vu, il est arrivé en haut, il a regardé les montagnes et tout ça, et il a crié, merci. Il a crié, merci. Mais il dit, je ne sais pas à qui j'ai dit merci. Il dit merci. Il dit, pourtant, il ne croit pas en Dieu, mais il a pas compris comment une chose pourrait exister qui était si belle, hein, c'est très Allah. Donc, on voit que même ces gens-là qui disent on croit pas à Dieu, ben, au fond de même, quand même, quand il y arrive quelque chose comme ça, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne peuvent pas peut-être le définir ou l'expliquer, mais ils savent qu'il y a quelque chose quand même. Donc, on voit ça dans les plusieurs versets dans le Coran, comme par exemple l'exemple de Pharaon. Pharaon disait, vous n'avez aucune autre divinité à part moi. Pharaon disait ça, par son orgueil, par son arrogance, par sa fierté. Mais au fond de lui-même, Pharaon savait que ce que Moussa disait, c'était la vérité. Mais c'est seulement l'orgueil et la fierté qui l'empêchent d'admettre que qu'est-ce que Pharaon dit est la vérité. Et même Moussa disait à Pharaon, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala existe et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Tu le sais avec conviction. Et dans un autre verset, Allah il dit, ils l'ont rejeté par orgueil et injustice. Alors qu'en eux-mêmes, ils en étaient convaincus. Ça fait, l'autre verset, c'était dans le premier, dans lequel Pharaon dit qu'il n'y a pas d'autre divinité à part moi, et dans Surat Al-Qasas, le verset 37. L'autre, celui dans lequel Moussa parle à Pharaon, c'est dans Surat Al-Isra, le verset 102. Et le dernier, « وَجَحَدُ بِهَا وَسْتَيْفَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا » C'est dans Surat Al-Naml, le verset 14. Le chef dit, « هُمْ لَمْ يَسْتَنِدُوا فِي جُحُودِهِمْ إِلَى حُجَّةٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُتَبَرَةً مِنْهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون فهم لم ينكروا عن علم دلهم على إنكاره ولا سمع ولا عقل ولا فطرة. Donc le chef il dit, lorsqu'ils ont rejeté la vérité et qu'ils ont décidé de refuser de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se sont pas basés sur une preuve. Ils n'ont aucune preuve pour rejeter Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Mais c'est seulement par arrogance, par fierté, par orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les non-croyants, les gens qui ont refusé de croire en Allah, ils disent qu'il n'y a seulement que cette vie présente. Nous mourons et nous vivons, et c'est seulement le temps qui nous fait périr. Et Allah dit, en réponse à ces gens-là, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont aucune connaissance de ça. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ils ne font qu'émettre des conjectures à ce sujet-là. Ça c'est dans Surat Al-Jafiyah, verset 24. Donc, il ne rejette pas la vérité basée sur une science ou en se basant sur quoi que ce soit de raison ou quoi que ce soit d'autre. En réalité, il le rejette seulement par arrogance et orgueil. ولما كان هذا الكون وما يجري فيه من الحوادث شاهدا على وحدانية الله وربوبيته إذ المخلوق لا بد له من خالق والحوادث لا بد لها من محدث كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. Donc le Cheikh Ibzi, tout ce qui est dans ce monde témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait tous qu'il n'y a rien qui est créé par lui-même. Toute chose qui est créée, il a besoin d'un créateur. Et il n'y a pas une chose qui arrive par accident, de toute façon, d'aucune cause. Tout ce qui arrive a besoin d'une cause aussi pour qu'elle arrive, qu'elle se produise. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour mettre en défi les mouchriquins et les kuffars qui ne croient pas à l'existence d'Allah, il leur dit, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes, ou est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Donc, ces questions-là, ils ne sont pas capables de répondre. Ils se posent ces questions-là, et ça c'est dans Sourate Tour, le verset 35 et 36. Al-Tur, Wat-Tur, non, verset 35-36. وقال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Donc ça c'est, il a cité un vers dans un poème qui dit, et dans toute chose il y a un signe qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et si on étudie la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on étudie l'univers, et si on étudie le monde, que ce soit au niveau macroscopique ou microscopique, dans les deux sens, on va trouver qu'il y a dans l'univers et dans tout ce qui est créé, une preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh dit, ولما كان لا بد من جواب على هذه الحقيقة اضطرب هؤلاء المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم فتارة يقولون هذا العالم وجد نتيجة للطبيعة وهي عبارة عن ذات الأشياء من النبات والحيوانات والجمادات فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة وهي التي أوجدت نفسها أو يقولون هي عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة وخشونة وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد هذه الصفات هي القابليات وهي الطبيعة بزعمهم وهي التي أوجدت الأشياء وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين. Donc le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, étant donné que ces gens-là ont besoin absolument de trouver une réponse pour se convaincre de quelque chose de toute façon, alors ils ont essayé de trouver des explications à l'existence du monde et à l'existence de la vie. Alors ils ont trouvé plusieurs explications et parmi elles c'est que ce qui a créé le monde, c'est la nature. Pour eux, ils disent que c'est la nature qui a créé le monde et les animaux et les plantes et les objets inertes. Et pour eux, ces choses-là sont là. Ils en font ça, ils disent que c'est la nature. Et puis j'ai cherché dans un livre que j'avais en biologie, et puis j'ai trouvé une référence à ce sujet. Je voulais juste la lire. Ça dit, la majorité des biologistes adhère à l'hypothèse selon laquelle la vie sur Terre a pris naissance à partir de matières inanimées ayant constitué des agrégats moléculaires finalement devenu capable d'autoréplication et de métabolisme. De nos jours, autant que nous sachions, la vie ne peut émerger par génération spontanée à partir de matière inanimée. Il faut dire que toi, c'est les conditions qui existaient sur la Terre lorsque celle-ci n'était âgée que d'un milliard d'années et que la différence est beaucoup plus animée. Donc, ils disent que, en fait, la vie a pris naissance à partir de matière inerte. Et puis, que c'est des agréments moléculaires qui ont réussi, c'est des choses inertes qui ont réussi à s'organiser ensemble pour créer des membranes, puis ensuite être capable d'inventer un système d'autoréplication, parce que pour que les molécules, pour que les cellules commencent à se diviser et à se répliquer, il faut qu'elles soient capables de transmettre une sorte de bagage génétique ou une sorte d'information à chaque réplication. Et pour que ce mécanisme de reproduction existe, ben, il faut que les choses s'organisent d'une certaine façon qui est très compliquée. Et donc, d'essayer de dire que, par exemple, c'était à cause de la situation de la Terre à cette époque-là, il y a des milliards d'années. أوكي نضع بيتي بوجود الأذان جميل أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن شاء الله